بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. حديث كومنتي بار أبو تيمية خليل المعتنكي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد. Tu nous rappelles l'Aqsam, catégorie d'eau. Pour la prière. On n'a pas dit comme ça. Al-ma imma kaza ou imma kaza ou imma kaza, avec un khilaf. C'est quoi les termes qu'on a employés? أيوة الماء الطهور طهارة لا إما الطهور إما الطاهر وإما النجاسة الطهور on a dit c'est celle qui est purifiante ce qui inclut les purs طاهر celle qui est pure et non purifiante et النجاسة c'est l'impureté on a dit en réalité que toute eau est forcément طهور. Il n'y a pas d'eau tahir qui ne soit pas tahur. Mais ça, qu'on a dit, c'est un khilaf. Il y a un if min haith l'istilahat. Et pas dans le cœur du sujet. Naam. Tayyib. Donc là, il commence avec le hadith de Abu Huraira. Qal. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة وغيرهم. Que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit en parlant de la mer, c'est ce dont l'eau est purifiante et dont on va dire la chair morte illicite. La chair morte qui s'y trouve, c'est-à-dire les animaux qui s'y trouvent, sont licites. Akhrajahu al-arba'a. C'est qui l'arba'a? Voilà. Ibn Majah. Ou le hadith sahih. الحديث صحيح الحديث الاوثنتيك à la base ce hadith est une partie d'un hadith un peu plus long où des gens sont venus demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam des pêcheurs qui disent qu'ils partent en mer et qu'ils n'emportent avec eux une quantité d'eau suffisante que pour boire. Donc comment ils font? Des fois ils n'ont pas assez d'eau pour pouvoir faire l'eau d'eau par rapport à la salawat. L'eau qu'ils ont potable ne leur suffit pas. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu avec un ajout par rapport à l'eau de mer. Et c'est là qu'il a dit « وَالطَّهُورُ مَاُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُ » pour leur dire qu'en fait l'eau de mer est une eau purifiante. « أَوَلَنْ الطَّهُورُ بِفَتْحَ الطَّ » avec une fatha sur le « ta » c'est ce avec quoi Mandi. C'est ce avec quoi tu te purifies. L'eau, en fait, ou la terre, ça dépend si tu es bon. Quand il y a une fatha sur le ta, c'est la chose employée. Et quand c'est Dhamma At-Tuhur, et Dhamma At-Ta, avec une Dhamma sur le Ta, c'est l'action. Comme par exemple, As-Sahur ou As-Suhur. As-Sahur, c'est le repas que tu prends avant le Fajr. Lorsque tu veux faire ton siyam, et As-suhur, c'est ou l'heure où tu le prends ou le fait de prendre ce repas. Fahimt? Kazalik, al-wado'u wal-wado'u. Al-wado'u, c'est l'eau que tu utilises pour faire l'wado. Et le wado, c'est l'action en soi de laver les membres. Parmi les preuves démontrant cette règle en langue arabe, c'est qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Muslim selon Abu Huraira, tuhuru inna ahadikum idha walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a. Il a dit tuhur inna ahadikum, la purification du récipient de chacun d'entre vous, de l'un d'entre vous. Si jamais le chien y boit, c'est de le laver cette fois. Il a dit tuhur. D'accord, tuhur, c'est-à-dire c'est le fait de nettoyer. Comment purifier ce récipient? Non. Et ça, c'est le col des jumhur. Parmi les gens de la langue arabe, la plupart d'entre eux disent comme ça. Tant même. Après les masa'il, par rapport à ce hadith, qawluhu al-hillu maytatu. Ce don. Donc, comme le hadha, donc on voit que l'eau de mer est une eau purifiante. Donc, il n'y a pas d'ishkel. Tu peux faire l'eau d'eau avec. Et tu peux faire le rousse avec le lavage de la grande impureté ou le lavage du vendredi. Et cela confirme ce qu'on avait pris hier, que c'est une chose, ce mélange à l'eau ne change pas sa nature d'eau. Par exemple, l'eau de mer, elle est comment? Elle est salée. Très salée. Cela n'a pas changé sa nature d'eau. On appelle toujours de l'eau. Par exemple, demain, une eau pleine de sucre, mais elle reste dans sa nature d'eau, ça sera de l'eau. Ah, maintenant, c'est une substance qui change carrément sa nature première, elle ne devient plus de l'eau, là c'est autre chose. Hier, on a des exemples, comme le café par exemple. Tayyib. Donc, comme on disait, al-hillu maytatu. La mer, c'est ce dont la chair morte est licite. Même on a meitato, la base de meita. C'est une chose, c'est une tout animal qui n'a pas été égorgé au nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On appelle ça de la chair morte. Et pour nous, c'est interdit. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alayhi. Et ne mangez pas de ce dont le nom d'Allah n'a pas été prononcé dessus. Ça, c'est la base. Et pire encore, ce qui est égorgé pour autre que Allah. Maintenant, on a là une facilité, justement, ça revient à l'arrêt qu'on avait pris. Al-mashaqqa tajlibu taysir. Ce hadith rentre dedans. Par exemple, demain, qui va avoir la facilité d'égorger les poissons? Demain, tu pêches plein de poissons dans un filet. Il y en a combien des poissons dans un filet? Plein, on ne parle pas de la pêche à la ligne, un poisson par poisson. Je te parle quand tu pêches en grande quantité des poissons. Imagine-toi, il faudrait tous les égorger. Déjà, avant que tu finisses d'égorger, ils seraient déjà tous morts. N'est-ce pas? Ils seraient tous morts déjà. Car ils vivent dans l'eau, ils ne vivent pas à l'air libre. Donc ce serait quoi? La chair morte, tu ne peux pas la manger. Des gaspillages. Tu aurais pris 10 poissons, par exemple, tu aurais pris, je sais pas, tu as pêché 100 poissons. Le temps que tu en égorges 10, en plus c'est glissant en poisson, ça bouge, c'est petit. Le temps que tu en égorges 1, tu arrives à 10. Les 90 autres, ils sont morts. Khasara. Regarde un petit peu la religion. Ça, c'est une règle. Ça rentre dans, justement, cette règle. Hein? Adil qa'ida al-kubra al-kulliya. Al-mashakka tajmutaysir, c'est parmi la qawa'id al-kubra al-kulliya. Les 5 premières qu'on a prises au début. Tu t'en rappelles, quelles sont-elles? Aywa, niya. La dara, on dira. Pas de nuisance à toi ni à autrui. Aïwa, il y a un asl fil ibada, el hadr. la base dans les actes d'adoration, c'est elles sont tawqifiyya. Elles sont interdites tant que tu n'as pas une preuve. Naam, ça fait 3. Arabia, 4e. Naam, la base dans les choses, c'est la permission. Chose de dunya. Et la 5e, celle-là. Al-mashakot ajlib taysir. Que la difficulté, la peine rencontrée amène à la facilité. Donc il dit, c'est quoi dhabit, la norme de cet animal dans l'eau? Car il y a une confusion dans cette parole. Al-hillu meitatu. Donc al-murad bi meitatu. Al-hikaya. Ma mata fihi min dawabih. مما لا يعيش إلا فيه لا ما مات فيه مطلقا فإنه إن صدق عليه لغة أنه ميتة ميتة بحر فمعلوم أنه لا يراد إلا ما ذكرناه وسيأتي الكلام على ذلك في بابه إن شاء الله تعالى نصب السلام la définition. Donc en fait c'est le sens voulu par ميتة, c'est les animaux de la mer. Quand on dit la mer, c'est aussi l'eau de mer, l'eau douce. Ça peut être les étangs, les lacs également. Ce n'est pas que la mer. Non. Tout ce dont qu'il vit, tout ce qui vit dans l'eau, tout ce qui vit dans l'eau et qui y meurt. Et non pas ce qui est mort dans la mer, même s'il vit extérieur. Alors, c'est pas demain, t'as un mouton, il tombe dans l'eau, il se noie. Tu dis hilou meitato. Tu le manges. C'est les choses, les animaux qui vivent à la base dans l'eau. Les gens pourraient penser que c'est tout ce qui meurt dans l'eau. Comme on dit le hilou meitato. Et là, on a bien dit non, c'est les animaux marins qui à la base vivent dans l'eau. Hein, même si on dit qu'il ne meurt pas dans l'eau. À partir du moment où c'est un animal qui vit dans l'eau, s'il est mort, tu peux le manger. Peut le manger. Il y avait eu un autre hadith justement où le Sahaba était parti en bataille et ils sont arrivés sur une plage avec un poisson énorme. À tel point que 13 hommes furent entrés dans l'orbite de son œil. L'orbite de son œil, 13 hommes entrés dedans. Et ses côtes, des caravanes entières de chameaux pouvaient passer en dessous, une côte. J'ai oublié le nombre. Donc, sa poisson était énorme. Et généralement, les poissons de cette taille-là sont connus pour être des mammifères. C'est une grosse baleine. En tout cas, en arabe, il n'y a pas de différence. El hout ou el samak ne disent pas mammifère marin ou poisson. C'est tous pareil. S'il y a une différence, je ne la connais pas. J'ai pas entendu, par exemple, dans le dictionnaire, hout, ceux qui vivent avec l'oxygène, comme par exemple les baleines, les dauphins, les épaulards, hein, les mammifères marins. Et les autres, ben c'est une samak ou hout, ça veut dire poisson. Parce qu'il y a des bronches et qui vit que dans l'eau, qui ne respire pas à l'extérieur. J'ai pas vu de tafriq. J'ai pas vu de tafriq. En tout cas, en nous, en islam, c'est le même jugement. Parce qu'il y a de la nourriture. Tu peux manger, par exemple, du requin, qui est un poisson, comme tu peux manger de la baleine ou du dauphin, qui est un mammifère marin. Ils vivent dans l'eau, à la base. Même s'ils sortent pour respirer, c'est connu, mais c'est où qu'ils vivent? Ils vivent dans l'eau. Après, il y a eu un khilaf sur des animaux. Le crocodile, la tortue, tout ce qui est phoque, morse, otari. Ces animaux-là, il y a un khilaf. Parce qu'ils vivent dans l'eau, et également sur terre. Donc on va pas rentrer là-dedans, tu vois. Mais en tout cas, les animaux qui, eux, sont... On va dire quasiment tout en l'eau, il n'y a pas de khilaf en général. Mais ça va venir déjà, si jamais Allah nous facilite, je ne sais pas si on arrivera là, dans Bab At-Tayma. C'est un autre sujet. Là, nous, le shahid, c'est Al-Ma. Donc ce qui nous intéresse, là, c'est l'eau. Donc on a compris là que l'eau de mer est tahour, est purifiante. Après, il y a eu certains, on a trouvé de certains Sahaba qui ne voyaient pas le fait de se purifier avec l'eau de mer, comme par exemple Ibn Omar. Ibn Omar, mathalan, et Abdullah ibn Amr. Mais on dira qu'en fait, la preuve ne l'a pas parvenue. Ils n'ont pas connu la Hujja. Même la Hujja, l'argument, ce hadith, ils n'ont pas eu connaissance. Sinon, il est certain qu'un sahabi n'aurait jamais, d'accord, délaissé une preuve qui lui est parvenue. Jamais. Et il fut rapporté de Omar ibn Khattab, radiallahu, selon Yanni dans le Moussanif de Ibn Abi Shayba, qu'il est dit, et quelle eau serait-elle plus pure, plus purifiante que l'eau de mer? Quelle eau serait donc plus purifiante que l'eau de mer? Hadha faqat al-yawm hadha al-hadith. البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. Donc maintenant demain quelqu'un il est au bord de la mer, il veut faire l'eau d'eau, il connaît jugement que cette eau lui est purifiante. Et que s'il veut manger du poisson, il n'a pas demandé est-ce que c'est halal, est-ce que c'était égorgé en Allah. Il le mange. Même si c'est meita. On a un fumada. تعالى فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.